De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 7. 1 à 3. De la mémoire. La mémoire est, suivant saint Augustin, une faculté qui n'appartient point à tous les êtres. Placée par son essence pure et inaltérable au-dessus de la sphère du mouvement et de la durée, Dieu ne se souvient pas plus qu'il ne prévoit. Il voit tout dans un présent indivisible et immobile. C'est l'idée de Plotin. Comment, dit le philosophe d'Alexandrie, ce qui est identique et immuable pourrait-il faire usage de la mémoire, puisqu'il ne saurait acquérir ni garder une disposition différente, ni avoir des pensées successives, dont l'une serait présente et l'autre serait passée à l'état de souvenir. Énéade 4. Quels sont donc les êtres qui se souviennent? L'homme d'abord, puis les êtres intermédiaires tant entre l'homme et Dieu qu'entre l'homme et les corps. Confession, livre 11 chapitre 11 et 31. Augustin avait, dans le principe, paru disposé à refuser au premier, c'est-à-dire aux êtres angéliques, le don de la mémoire, pour les faire participer à l'intuition divine. Dans ses confessions, il nous les montre, en effet, consacrant à Dieu toutes leurs pensées, toutes leurs affections, et restant absorbés dans la contemplation de cet objet unique, au point de ne pas même songer à leur être propre. Ils n'ont, d'après lui, ni passé dont ils puissent se souvenir, ni avenir qu'ils puissent prévoir, car ils sont, comme la divinité même, inaccessibles aux vicissitudes du temps et du changement. Aussi forment-ils, par leur réunion, ce ciel des cieux dont il est parlé dans l'Écriture, ce ciel vivant et intellectuel, qui, au lieu de voir, comme nous, les choses d'une manière partielle, énigmatique et dans leurs images, les embrasse toutes ensemble, en elles-mêmes, et les contemple sans voile dans l'esplendeur d'une claire vision. Confession, livre 12 chapitre 14. Mais, dans la cité de Dieu, comme l'a très bien remarqué Monsieur Cesset, Augustin revient sur ses assertions téméraires, et n'accorde qu'à Dieu seul l'attribut de l'immutabilité. Les anges, dit-il, ont existé de tout temps, mais en ce sens que le temps a été créé avec eux pour mesurer leurs mouvements. Cité de Dieu, livre 12 chapitre 16. S'exprimer ainsi, n'est-ce pas leur retirer l'immutabilité, et avec elle cette éternelle intuition qu'on leur accordait tout à l'heure, pour leur restituer la faculté de se souvenir de ce qui est temporel, que les choses périssables tiennent moins de place dans leur mémoire que dans celle des hommes, cela doit être, mais enfin elles n'en sont plus entièrement exclues. Si les anges, qui nous surpassent, ont une mémoire qui s'attache surtout aux choses éternelles, et qui imite l'intuition divine, les animaux, qui nous sont inférieurs, en ont une qui se rapporte uniquement aux choses passagères, et qui est d'un ordre moins relevé que la nôtre. Comment douter que les animaux se souviennent? Ne voit-on pas l'hirondelle revenir, au printemps, visiter son nid, la chèvre regagner le bercail, comme Virgile le remarque, guidée par sa mémoire? Ne lit-on pas dans les poèmes homériques que le chien d'Ulysse reconnut le héros, son maître, que ses propres sujets, ses propres amis avaient depuis longtemps oublié? Saint Augustin observe, comme Lucrèce l'avait fait avant lui, que les chiens grondent pendant leur sommeil, qu'ils éclatent tout à coup en aboiement, et en conclut, comme cet illustre poète, que les animaux conservent en eux-mêmes les images des objets qu'ils ont perçus, et qu'à mesure que la mémoire les leur représente, ils éprouvent des sentiments divers. De la musique livre 1er chapitre 4, réfutation de l'épître manichéenne appelée fondamentale, chapitre 17. Aristote avait prétendu que certaines espèces sont entièrement dépourvues de mémoire. Augustin n'est pas de son avis. Il attribue de la mémoire même aux poissons, qui sont des êtres en apparence si stupides, et raconte à ce sujet une de ces anecdotes qui répandent tant d'agréments sur ses dissertations les plus abstraites. Il s'agit d'un fait dont il a été témoin, et qui s'est passé à Bulances Régie. Il y avait dans ce pays une grande fontaine remplie de poissons. Tous les jours on venait les voir, et on leur jetait des aliments dont ils se saisissaient avec avidité qu'ils se disputaient entre eux. Ces poissons se souvenaient si bien de la pitance qu'ils avaient reçue, qu'aussitôt qu'ils s'apercevaient qu'il y avait des hommes au bord de la fontaine, ils accouraient par grands troupes et attendaient qu'on leur jetât leur nourriture accoutumée. De la Genèse au sens littéral, livre 3 chapitre 8. Ces observations d'Augustin sont aussi justes que charmantes. Nous ne leur adresserons qu'un reproche, c'est de ne pas aller tout à fait au fond des choses. Notre auteur a très bien remarqué, avec plusieurs philosophes anciens, que les animaux, bien qu'ils possèdent la mémoire proprement dite, sont dépourvus de cette mémoire plus élevée qu'on nomme réminiscence, et qui dépend essentiellement de l'entendement pur. Il a parfaitement vu qu'ils ne se souviennent que des corps, et que leur mémoire, comme les autres facultés de leur esprit, n'opère que sur des images. Mais il aurait dû insister sur le caractère involontaire, instinctif et presque machinal que le souvenir affecte dans la plupart d'entre eux. Ils ne s'avisent point, en effet, de se graver certaines choses dans l'esprit de dessins prémédités, dans le but de s'en souvenir plus tard, et l'on ne s'aperçoit point qu'ils fassent effort pour retrouver une idée absente. On se figure difficilement un animal dans l'attitude de la méditation et se disant, il faut que je me souvienne de ceci ou de cela demain, ou bien cherchant à se rappeler ce qui lui est arrivé la veille. Il se souvient, non seulement sans raisonner, mais sans vouloir. Supprimer dans la mémoire de l'homme tout ce qui tient à la raison et à la liberté, attribut caractéristique de notre espèce, et vous aurez la mémoire de l'animal. Voilà quels sont les êtres qui se souviennent. Mais par quelle partie d'eux-mêmes se souviennent-ils? En est-il de la mémoire comme de la vue, de l'ouïe et des autres sens? Est-elle une faculté, sinon du corps seul, au moins du corps réuni à l'âme, du composé que forment ces deux substances? De la musique, livre 1er chapitre 4. L'auteur des Énéades s'était posé cette question avant saint Augustin, et l'avait résolu de la manière suivante, on prétendra peut-être que la mémoire aussi est commune à l'âme et au corps, parce que sa bonté dépend de notre complexion. Nous répondrons que le corps peut entraver ou non l'exercice de la mémoire, sans que cette faculté cesse d'être propre à l'âme. Comment essaiera-t-on de prouver que le souvenir des connaissances acquises par l'étude appartient au composé et non à l'âme seule? Plotin, Énéade, 4e. Saint Augustin adopte l'opinion de Plotin, mais il la soutient par des raisons qu'il tire de son propre fond, et qu'il expose de la manière la plus vive et la plus originale. Je ne connais pas de philosophe qui ait marqué par des traits plus expressifs le caractère purement spirituel de la mémoire, et qui ait montré un sentiment plus net de la vie psychologique que ne le fait en cet endroit l'illustre père. Comprenons en ma présence, dit-il, le nom de Milan, aussitôt cette ville elle-même, telle qu'elle est, dans toute son étendue, semble se dérouler devant moi. Elle m'apparaît de la manière la plus claire et la plus circonstanciée, ainsi que les lieux qui m'en séparent. Évidemment, je la vois, non des yeux, mais de l'âme, et c'est là ce qu'on appelle ce souvenir. Mon âme est-elle donc en ce moment réellement présente à Milan pour voir si distinctement cette ville? En aucune façon. Si elle y était, elle saurait ce qui s'y passe actuellement, au lieu qu'elle sait seulement ce qui s'y est passé autrefois. Ce qui lui est présent, ce n'est donc pas Milan, mais son image. Cette image, que j'ai dans ma mémoire, ne saurait être corporelle, car elle ne pourrait, immense comme elle est, être contenue dans un corps aussi petit que le mien. Mais si elle est incorporelle, elle doit avoir pour sujet une substance qui soit elle-même incorporelle, c'est-à-dire une âme. Donc, la mémoire réside dans l'âme et non dans le corps, ni dans le composé de l'âme et du corps. De la grandeur de l'âme, chapitre 5, réfutation de l'épître manichéenne appelée fondamentale, chapitre 17. Tels sont les êtres qui se souviennent, et telle est la partie des êtres par laquelle s'opère le souvenir. Il s'agit maintenant de savoir à quoi le souvenir se rapporte, quelle en est la nature et quelle en est l'origine. Il semble qu'il n'y ait qu'une réponse à faire à la première question, celle du sens commun et d'Aristote, du sens commun, qui assigne la mémoire pour objet le passé, d'Aristote, qui, analysant cette vue exacte, mais confuse, rapporte le présent à la sensation et à la science, le passé à la mémoire, et l'avenir à l'espérance, à l'opinion, à la divination. C'est ainsi, en effet, que saint Augustin résout la question dans le 11e livre des Confessions. Nous avons, dit-il, la mémoire du passé, la vue du présent, l'attente de l'avenir. Puis il ajoute, avec sa subtilité ordinaire, que le passé et l'avenir ne sont rien, puisque l'un n'est plus et que l'autre n'est pas encore, et que cependant les opérations qui s'y rapportent sont quelque chose. La mémoire du passé et l'attente de l'avenir ne sont pas moins réelles que la vue du présent, bien que leur objet n'ait pas la même réalité, et elles ne sont pas moins présentes, en tant que phénomène de l'âme, bien qu'elles concernent des choses passées ou à venir. Confession livre 11 chapitre 20. En quoi consiste au juste le souvenir? À penser à ce qu'on sait. Les diverses modifications de l'âme ne peuvent pas nous être toutes et à tout instant présentes, de là la différence qu'il faut établir entre savoir une chose et y penser. Le musicien, remarque excellemment saint Augustin, c'est la musique, mais les notions relatives à cet art ne lui sont point présentes au moment où il discute sur la géométrie, il n'y pense pas. Ces notions sont en lui comme elle l'est à Latin, et il a besoin d'un acte de mémoire pour les faire apparaître. De la Trinité, livre 14 chapitre 7. Cette observation n'était pas nouvelle du temps de saint Augustin. Plotin avait dit avant lui, autre chose est la pensée, autre chose la perception de la pensée. Nous pensons toujours, mais nous ne percevons pas toujours notre pensée. Énéade, 4e. Il semblait avoir compris que l'effacement momentané d'une partie de nos connaissances est nécessaire à l'acquisition de connaissances nouvelles. Mais saint Augustin, en reproduisant l'idée de Plotin d'une manière plus explicite, a préparé la voie au principe cartésien que l'âme n'est jamais vide de pensée, et à la doctrine leibnizienne des idées latentes qu'on a tant de fois opposées à la théorie de la table rase telle que Locke l'avait développée. Non seulement Augustin et Leibniz admettent également que nous avons des idées dont nous n'avons pas la perception actuelle, mais encore ils s'expriment presque dans les mêmes termes sur les modifications graduelles que ces idées éprouvent. Toute la différence que je vois entre eux, c'est que le dernier les considère plus particulièrement dans leur accroissement insensible, et le premier dans leur lente dégradation. Il est inutile de reproduire le morceau de Leibniz dans l'avant-propos des nouveaux essais, qui est dans toutes les mémoires, je me bornerai à citer le passage de saint Augustin, que je n'ai jamais vu mentionné à nulle part, et qui me paraît admirable d'originalité et de finesse. Il y a en nous, dit cet observateur ingénieux, beaucoup de nombres que l'oubli efface ensemble bien que peu à peu, car il n'y demeure pas un seul instant sans altération. En effet, ceux qui, par exemple, ne se trouvent plus au bout d'un an dans notre mémoire, a déjà, au bout d'un jour, subi une diminution. Mais cette diminution est insensible. Cependant, on ne se trompe pas en conjecturant qu'elle s'opère, parce qu'il est bien certain que le souvenir ne s'envole pas tout entier subitement la veille du jour où l'année est révolue, ce qui nous permet de comprendre qu'à dater du moment où il s'était gravé dans notre mémoire, il avait commencé à passer. De là vient que nous disons d'ordinaire, je m'en souviens un peu, quand nous nous rappelons une chose après un certain temps et avant que nous l'ayons complètement oubliée. De la musique, livre 6 chapitre 4. En même temps que saint Augustin dérobe par avance à Descartes et à Leibniz quelques-unes de leurs vues les plus importantes, il se montre le précurseur de Locke lui-même. Suivant lui, comme suivant le philosophe anglais, nous devons l'idée de temps à la réflexion, et non à la sensation, et ce que nous rappelons à notre mémoire et dont nous jugeons intérieurement, ce sont moins les objets eux-mêmes que les idées que nous en avons eues. C'est ce qui ressort déjà assez clairement des considérations précédentes, et ce que les développements qui vont suivre mettront en pleine lumière. Quand je mesure la durée des choses extérieures, ce ne sont pas, à proprement parler, les choses extérieures que je considère, mais les modifications qu'elles ont produites dans mon esprit. Pour savoir si un son est long ou bref, je ne cherche pas à le saisir lorsqu'il est encore à venir ou lorsqu'il est déjà passé, car dans le premier cas, il n'est pas encore, et dans le second, il n'est plus. Or ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore échappe également à l'examen et à l'observation. Je ne puis pas non plus le saisir dans le temps où il se fait entendre, car le temps est divisible à l'infini comme l'espace, et on ne peut pas entendre dans le même temps un son tout entier. De la musique, livre 6 chapitre 8. Tout son, n'eût-il qu'une ou deux syllabes, à un commencement, un milieu, une fin, et toutes ces parties ne peuvent pas m'être à la fois présentes. Juger du tout à l'audition d'une partie, ce serait prendre, non seulement un son présent, et partant réel, mais un son passé, un son futur, c'est-à-dire de pur néant, pour objet de mon appréciation. Qu'est-ce donc que je fais quand je juge des sons? Augustin l'explique à merveille. Lorsque je mesure la durée des sons et que je juge de leur quantité, ce ne sont pas ces sons eux-mêmes que je considère, puisqu'ils sont aussi insaisissables dans le présent que chimériques dans l'avenir et dans le passé. Ce sont les impressions qu'ils ont faites dans mon esprit, les souvenirs qu'ils ont laissés dans ma mémoire. Pour faire comprendre cette analyse d'une incomparable finesse, Augustin a recours à un exemple. Si l'on prononce devant moi, dit-il, ce vers, Deus, Creator Omnium, je ne puis juger de la quantité de chacune des syllabes qui le composent que tant qu'elle a été prononcée, c'est-à-dire qu'elle est passée et évanouie. Je remarque qu'il y a dans ce vers 4 syllabes brèves et 4 longues. Je mesure une longue par une brève, et je vois qu'elle la contient 2 fois. Mais l'une se faisant entendre après l'autre, si la brève est la première, la longue la dernière, comment saisirais-je la brève et l'appliquerais-je à la longue pour la mesurer, de manière à voir que celle-ci contient 2 fois celle-là, puisque la longue ne commence à résonner que quand la brève a cessé de le faire. La longue elle-même, je ne la mesure pas en tant que présente, puisque je ne la mesure que quand elle est finie. Or pour elle, être fini c'est être passé. Confession, livre 11 chapitre 27. Ce n'est donc pas cette syllabe elle-même qui est l'objet de mon attention, quand je m'apprête à formuler mon jugement sur elle, mais l'impression qu'elle a laissée au-dedans de moi. C'est parce que je me représente avec une certaine vivacité dans un certain ordre les impressions reçues, que j'apprécie la durée des sons et en général toute espèce de durée. Si je ne conservais pas les images des choses antérieurement senties, je ne pourrais pas prévoir celles que je dois sentir encore. C'est avec les couleurs tristes ou gaies du passé que je me peins l'avenir sombre ou brillant. Et si j'induis, c'est parce que je me souviens. Ainsi, de même que les rayons visuels qui s'échappent de nos yeux nous découvrent l'espace, de même la lumière de la mémoire nous dévoile le temps. Confession livre 10 chapitre 8, et livre 11 chapitre 27, de la musique livre 6 chapitre 8. Je ne veux pas rechercher en ce moment si la doctrine de saint Augustin sur le temps n'a pas un caractère idéaliste un peu trop prononcé, et si ce n'est pas refuser autant toute réalité objective que d'en faire un simple rapport entre les phénomènes de l'âme. Qu'il me suffise de dire que saint Augustin, dans les morceaux qui précèdent, a revendiqué avec raison, au profit de la mémoire, une grande partie du domaine qu'on laisse d'ordinaire trop libéralement à la perception, et qu'il a parfaitement établi le caractère subjectif de nos souvenirs. C'est sans doute à lui qu'il faut remonter pour trouver l'origine de cette doctrine si souvent reproduite, non seulement par Locke dans l'essai sur l'entendement humain, livre 2 chapitre 14, mais encore par Royer, Collard et d'autres philosophes, que ce n'est pas des choses, mais de nous-mêmes que nous nous souvenons, et que c'est l'interne et non l'externe qui est l'objet de la mémoire. Augustin distingue néanmoins deux espèces de mémoire, la mémoire sensible et la mémoire intellectuelle, susceptible elle-même de plusieurs subdivisions, et les analyse l'une et l'autre de main de maître dans son livre des confessions. Tout le monde connaît ces admirables pages où il a déployé toutes les ressources d'une intelligence pénétrante, d'une brillante imagination, d'un talent plein de souplesse, et où il s'est, en quelque sorte, surpassé lui-même. Ce n'est pas un psychologue qui décompose, dans un langage abstrait et sans couleur, ces phénomènes invisibles à l'œil, insaisissables à la main, inaccessibles à tous les sens, qu'on appelle des souvenirs, c'est un naturaliste qui nous les fait, pour ainsi dire, voir et toucher, c'est un peintre qui décrit les accidents de l'âme, comme il décrirait les accidents d'un paysage, et qui les déroule devant nos yeux avec leurs nuances les plus fugitives. À force de s'intéresser à son sujet, il y intéresse tous ses lecteurs. L'homme frivole, qui n'a jamais eu d'attention que pour les petits événements de la vie sociale, le savant, qui ne s'est jamais extasié que devant des êtres bruts et inintelligents, se surprennent pour la première fois, en lisant Augustin, à admirer le curieux spectacle du monde intérieur qu'ils portent en eux-mêmes, et le merveilleux mécanisme de leurs facultés. Par un prodige qu'on ne saurait trop admirer, dit l'illustre écrivain, mon âme, toute incorporelle qu'elle est, contient dans sa mémoire les images des objets corporels. Elles sont là en foule dans les vastes champs, dans les palais immenses de ma mémoire, les unes telles que je les ai reçues des sens, les autres agrandies, diminuées, transformées de mille manières par le travail intérieur de mon esprit. Quand je les appelle, celles-ci arrivent tout de suite, celles-là se font longtemps attendre, comme si elles étaient cachées dans quelque recoin. Il en est qui accourent par bandes quand j'en appelle d'autres, et qui ont l'air de dire, « Est-ce nous que vous cherchez ?» Je les écarte comme de la main jusqu'à ce que celles que je veux sortent de leurs ténèbres et apparaissent au grand jour. Il en est enfin qui se présentent avec une facilité merveilleuse et dans un ordre parfait, à mesure que je les réclame, les unes cédant successivement la place aux autres, et se replongeant dans leur obscurité, prêtes à reparaître quand je voudrais. En un mot, nos souvenirs, d'après saint Augustin, sont faciles ou difficiles, volontaires ou involontaires, précis ou confus, suivant les circonstances. Il ajoute à ses observations une remarque qui n'est pas sans importance, c'est que les images qui sont en dépôt dans notre esprit n'y sont pas accumulées confusément et pêle-mêle, mais distribuées par catégories distinctes, selon les objets auxquels elles correspondent et selon les sens par lesquels elles sont entrées. Il en résulte que nous pouvons les retrouver plus facilement et les passer de nouveau en revue quand il nous en prend fantaisie. Au milieu des ténèbres les plus profondes, je fais revivre les couleurs qui ont frappé mes yeux, je les distingue parfaitement les unes des autres, et n'ai garde de les confondre. Pendant que je les repasse de la sorte en moi-même, les sons qui sont également dans mon esprit ne se jettent point à la traverse et ne troublent point ce travail de révision. Mais que je vienne les appeler à leur tour, ils arriveront sur le champ docile à mon signal. Ma langue est immobile, mon gosier muet, et cependant je chante intérieurement, et les sons les plus variés se succèdent dans ma mémoire. Je puis repasser en moi-même, et sans ouvrir la bouche, des vers, que dis-je, des morceaux de poésie tout entiers. Sans que les organes du toucher, du goût, de l'odorat soit modifié le moins du monde, je me rappelle, par un simple acte de mémoire, les sensations du rude et du poli, la saveur du résiné et celle du miel, l'odeur de la violette et celle du lys, et je les distingue parfaitement les unes des autres. Voilà les images que je roule dans le vaste palais de ma mémoire. Le ciel, la terre, la mer y sont reproduits dans toute leur immensité, avec la multitude des objets qui ont frappé mes sens. Quel abîme que la mémoire, il y a là de quoi étonner et confondre celui qui se donne la peine d'y réfléchir. C'est une faculté de mon esprit, c'est mon esprit même, et cependant mon esprit ne peut s'en rendre compte. Il est trop petit pour se comprendre. Et les hommes vont admirer les hautes montagnes, le cours majestueux des fleuves, les flots immenses de la mer, le vaste circuit de l'océan, les révolutions des astres, et ils se laissent eux-mêmes et ne s'admirent point. Où vois-je cependant ces fleuves, ces flots, ces astres, cet océan ? qui ne sont point là, sous mes yeux, au moment où j'en parle, ou, sinon en moi-même, dans les images que je m'en suis formé. Confession livre 10 chapitre 8 et livre 11 chapitre 27. Note. Saint Augustin, on le voit, a la faculté de s'étonner qu'un éminent critique de nos jours regarde avec tant de raison comme le principe de toute découverte. Il faut dire de lui comme d'un autre métaphysicien profond, il s'étonne de ce qui paraît tout simple à la plupart des hommes, et de ce dont l'habitude leur dissimule la complication et la merveille. Le nil admirari, en effet, dans le sens vulgaire, n'est pas une marque d'intelligence. La pomme qui tombe paraît toute simple au commun des hommes, elle ne le semble pas à Newton. Confère Monsieur Sainte-Beuve, article sur Mendebliran. Fin de la note. Ce ne sont pas les objets sensibles eux-mêmes qui se fixent dans ma mémoire, mais leurs seules images. Qu'un son vienne à frapper mon oreille, il a déjà retenti et passé, après avoir fait sur elle une certaine impression, que ma mémoire peut encore en conserver et en évoquer la représentation. Qu'une odeur traverse les airs et s'évanouisse après avoir affecté mon odorat, ma mémoire en garde une image que je reproduis à volonté. Un aliment que j'ai mangé est déjà dans mes intestins, où il n'a plus certainement aucun goût, que ma mémoire en conserve encore, pour ainsi dire, la saveur. Un corps que j'ai touché avec les mains peut-être bien loin de moi, que ma mémoire l'imagine encore. Confession livre 10 chapitre 9. Il nous arrive certainement d'éprouver en rêve de vives souffrances, mais de croire le matin que ce sont des corps étrangers qui ont produit sur nous de tels effets, cela ne peut venir qu'à l'esprit d'un homme qui rêve lui-même tout éveillé. Autrement il faudrait regarder comme des corps réels, et non comme de simples images, le ciel, la terre, la mer, les montagnes, les astres qui nous apparaissent durant notre sommeil. De l'âme et de son origine, livre 4 chapitre 17. Les corps restent au dehors dans le phénomène du souvenir comme dans celui de la sensation, et nous n'en avons en nous que les images. De plus, ces images, bien qu'elles représentent les corps, sont elles-mêmes incorporelles, et l'esprit, par un acte inexplicable et qui n'a point d'analogue dans le monde physique, les forme de sa propre substance. De la Trinité livre 10 chapitre 5. Je ne remarquerai que deux choses sur cette admirable théorie de la mémoire sensible. La première, c'est que Saint Augustin a observé, avant Dugald Stewart, que notre esprit ne conserve et ne reproduit pas seulement les images des objets visibles, mais encore les impressions des sons, des parfums et des autres objets qui frappent nos sens. Le philosophe écossais ne l'aurait nullement surpris en disant qu'on peut apprécier l'harmonie d'une pièce de vers sans la lire, et goûter le charme d'un air en le chantant en imagination, car il a dit à peu près la même chose. Ma seconde remarque est relative à la nature des images dont la mémoire conserve le dépôt. Dans un récent travail sur les confessions de Saint Augustin par Monsieur Desjardins, on se demande si ce philosophe professe la doctrine des idées représentatives, c'est-à-dire sans doute des idées considérées comme des réalités distinctes de l'esprit et des objets, et sans oser se prononcer d'une manière absolue, on incline à répondre affirmativement. Pour moi, je l'avoue, je suis d'un avis opposé. D'abord, Saint Augustin ne regarde pas les idées sensibles comme des images détachées des objets. C'est là une opinion qu'on lui prête fort gratuitement. Il me suffirait, pour l'établir, de sa réfutation du système de Démocrite que j'ai précédemment analysé. Mais je prends, parmi les deux ou trois textes que l'on invoque, le plus favorable à l'interprétation que l'on préfère, et je n'y vois nullement ce qu'on a cru y voir. Confession livre 10 chapitre 16. On traduit, l'impression de l'image dans la mémoire est devancée par la présence de l'objet dont se détache l'image. Traduire imprimé par se détache, c'est tout confondre. C'est identifier le système de l'émanation, tel que Démocrite l'admet, avec celui de l'impression, tel qu'Aristote l'expose, après avoir rejeté le système de Démocrite. En outre, ces impressions elles-mêmes, ces images des objets sensibles, Augustin a grand soin de dire qu'elles sont spirituelles, que l'âme les forme par son activité propre et de sa propre substance, à la fois matière et artiste dans l'œuvre qu'elle produit. De la Trinité, livre 10 chapitre 5. Enfin, il n'a pas la prétention d'avoir levé toutes les difficultés que l'on rencontre en abordant cette question comme en abordant tous les faits primitifs de notre nature. Au contraire, de tous ceux qui ont agité le grand problème des rapports du sujet et de l'objet, comme on dirait aujourd'hui, il en est peu qui aient eu au même degré qu'Augustin le sentiment de son obscurité mystérieuse. Que peut-on lui demander de plus que ses explications d'une part, cette circonspection de l'autre, à moins de lui demander de nier un fait positif et évident, celui de l'imagination des objets par l'esprit. Car enfin, quand j'ai vu un triangle, comme le remarque fort bien Bossuet, et que je ferme les yeux, je le vois encore par la pensée, de même couleur, de même grandeur, de même situation, et c'est ce qui s'appelle imaginer un triangle. Confère connaissance de Dieu et de soi-même. Markham d'Anarchivorg 2021, d'après Books Google FR licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.